Romains 11, 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont branché, loin de là. Mais par les chites, les saliers deviennent accessibles aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Verset 15. Car si les mises à l'écart a été la réconciliation du monde, que cela est réintégration, sinon le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Dieu ne te glorifie pas au départ de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, sababu kama Mungu asikuepusha miti ya asili, hii ne teparnera pa non plus, asiweze kuepusha nawe pia. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikala. Que Dieu ajoute des bénédictions au nom de Jésus-Christ à sa parole. Mungu ongeze mabaraka mujina Yesu Kristu kuneno yake. Le temps de la grâce nous offre les moyens de se réconcilier avec Dieu. Wakati ya neema na tukaburia bahati ya kupatanishwa na Mungu. Cette grâce nous est venue comment? Parce que ceux à qui cela était destiné ne l'ont pas reçu et ne l'ont pas cru. Ils ont rejeté ce grand trésor. Ce qui arriva à Israël était déjà préfiguré même dans l'Ancien Testament sous forme de type. Nous pouvons retourner dans le livre de la semence, c'est-à-dire le livre de la Genèse, là où nous avons les images de toutes choses, et vous allez voir par la grâce de Dieu, par la révélation que nous donne le Saint-Esprit, que ce plan du salut a été déjà tracé par Dieu sous forme de type. Mais les gens ne savaient pas cela. Lakini bantu bakuyua ayo. Mais par la grâce, lakini kupitia nema de Dieu, ya Mungu, au moyen du message qui nous a envoyé, kupitia mujumbe la ritutumia, le mystère de la Bible est révéré. Masiri ya mubiblia nafunuliwa. Et nous pouvons maintenant comprendre tous les petits détails. Na tunaweza kuelewa tubitu tote tuloko leur explication pour que nous puissions nous tenir fermes dans la parole de Dieu. Dans la Genèse chapitre 25, nous pouvons prendre même à partir du verset 27, la Bible dit que ses enfants grandirent. Biblia nasema aba toto barikomea. Esau devint un habile chasseur. Esau akakuya muwindaji wa nguvu. Un homme de champ. Mutu wa mashamba. Mais Jacob fut un homme tranquille. Lakini Yakob alikuwa mtu mtulivu. Qui restait sous les tentes. Ule alikuwa anabakia chini ya hema. Pouvons prendre maintenant le verset 29. Tunaweza kubeba makumbi na kenda. Comme Jacob faisait cuire un potage. Wakasavile Yakob alikuwa anapika chakula. Esau revint de champ accablé de fatigue. Isao anatoka kwa mashamba mwenye kuya na kuchoka. Esau dit à Jacob. Isao akamwambia Yakobo. Laisse-moi, je te prie, de manger de ces roues là car je suis fatigué. Uniache basi nikule mui chakula yako kwa sababu mimi nachoka. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Edom. Na niju ya ile barumkaburia Esau njina ya Edom. Jacob dit. Jacob akasema. Fais moi aujourd'hui ton droit de naissance. Kumbe unuzishe basi leo uzaliwa wao wa kwanza. Jacob répondit. Esau akamjibu. Voici je m'en vais mourir. Tazama mimi naenda mkufa. À quoi me sert ce droit de naissance? Iko na nisaidia nini hii halali ya kuzaliwa kwa kwanza? Et Jacob dit. Na Jacob akamwambia. Jirez moi d'abord. Unilapie basi kwanza. Il lui jura. Na akamlapia. Il vendit son droit de naissance à Jacob. Akauzisha lali yake kuzaliwa kwa kwanza kwa Yakobo. Alors Jacob donna Esau du pain et du potage de lentilles. Pale Yakobo akampatia Esau ile mukate na ile chakula. Il mangea et bu. Akakula na kakunywa. Puis se leva et s'en alla. Kisha akashimama na akaenda. C'est ainsi que Esau ni mwinamu na Esau méprisa son droit de naissance. Aribeula alali yake ya kuzaliwa kwa kwanza. Bien aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana. Lorsque Jacob et Esau étaient dans le ventre de leur mère. Wakati Esau na Yakobo walikuwa mtumbo wa mama yabo. Et c'était une grossesse vraiment tourmente. Ilikuwa ni mimba ya kuangaisha. Elle est allée consulter un homme de Dieu. Alienda kuona mtumishi wa Mungu. L'homme de Dieu lui a dit, en toi il y a des nations qui se battent. Mtumishi wa Mungu anamwambia kusema ndani yako mko mataifa mbili kuna kombana. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Lakini ule mkubwa atatawaliwa na ule mdogo. C'était la prophétie pendant que les enfants étaient dans le ventre de leur mère. Ilikuwa ni unabii wakati watoto walikuwa wakingali mtumbo wa mama yao. Et ces deux enfants sont le type. Na bale batoto bawili ni mapicha. De l'œuvre de Dieu. Ya kazi ya Mungu. Entre Israël et nous les nations. Kati ya Israël na siba mataifa. De la même manière. Munamna moya. Dans la loi de Dieu. Mu sheria ya Mungu. En Israël. Ku Israël. Dieu avait ordonné cette loi. Mungu aliamuru ile sheria. Dans Deutéronome chapitre 21 verset 17. Mukumbo kumbo makumi mbili na moya kumi na saba. Avant de lire cela. Mbele ya kuisoma. Il y a trois choses. Kuko bitu tatu. Puisque nous allons plus parler ce soir sur les droits de naissance. Dieu tutasemea sana leo juu ya halali ya kuzaliwa kwa kwanza. Il y a trois choses que nous ne devons pas ignorer qui sont inséparables. Kuko bitu tatu bila tuweze kusahabu bila abina bia kuachanisha. Si vous avez l'une, les deux autres doivent rejoindre là où l'autre est. Kama kuna kimoya bile bingine binapasha kukuta kule kile kingine kiko. Il y a ce que nous appelons le premier né. Kuko ile tuko naita mzaliwa wa kwanza. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons les droits de naissance. Kia pili ni kile tuko naita halali ya kuzaliwa wa kwanza. Et troisièmement, il y a ce que nous appelons la bénédiction des droits de naissance. Na ya tatu ni ile tuko naita baraka ya kuzaliwa kwa kwanza. Les trois marchent ensemble. Bile bitatu binatembeaka pamoja. Le droit de naissance. Na kuzaliwa kwa kwanza. Était l'héritage. Ilikuwa urithi. Selon la loi de Dieu. Kufuatana sheria ya Mungu. Donné pour le premier aîné de la famille. Ya kukabulia ule wa kuzaliwa kwa kwanza kwa jamaa. Quand quelqu'un ne soit le premier aîné. Wakati mtu alizalika wa kwanza. Le droit de naissance lui appartenait. Kuzaliwa kwa kwanza ile halali ilikuwa yake. Et une fois vous avez ce droit de naissance. Na wakati kuna ile halali ya kuzaliwa kwa kwanza. Baraka ya kuzaliwa kwa kwanza. Vous être accordé. Inapashwa kuipata. Muniremu, naona hii mikro hapa. Ainsi bien-aimé dans le Seigneur. Hivi bapendwa katika Bwana. Quand vous naissez le premier né. Wakati unazalika wa kwanza. Il y avait la loi. Qui t'attribuait les droits de naissance. Il est quoi na kukaburia alali les droits de naissance entre des guillemets, c'était l'héritage. Kuzaliwa kwa kwanza ilikuwa ni urithi. Qui est ordonné par la loi d'Elohim. Il est liruhusiwa na sheria ya Elohim kwa mzaliwa wa kwanza. Mais quand l'enfant naissait. Wakati mtoto alianza kuzalika. Bien qu'il avait les droits de naissance. Hata vile alikuwa na ile halali ya kuzaliwa wa kwanza. L'apôtre Paul dit ce n'est pas au même moment qu'on doit lui donner l'héritage. Mtume Paulo anasema haikukue mpaka mwili wa l'enfant doit grandir. L'enfant doit être formé. Ule mtoto doit montrer les compétences. Anapasha kuonesha ali quand il va recevoir les droits de naissance, il ne va pas gaspiller cela. C'est ce qu'on appelle la bénédiction des droits de naissance. Donc c'est le moment où on vous transfère les biens qui a été promis pour toi, vous entrez en possession. Et tout cela était un type dans le domaine spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit, lisons dans le livre ce que j'avais dit dans Deutéronome 21-17. Je dis ici, quand un homme avait deux femmes, mais il aime la deuxième femme plus que la première. Dieu ordonne, mais il y reconnaîtra pour premier né les fils de celle qui n'aime pas. Mutoto ya ule ya shipende. Et lui donnera si son bien. Na atamkaburia mali yake. Une portion double. Sehemu mala mbili. Car sababu ce fils ule mutoto est le prémisse de sa vigueur. Njo limbuko ya nguvu yake. Le droit de naissance. Alali ya kuzaliwa kwanza appartient. Ni yake. C'est la loi de Dieu. Ni sheria ya Mungu. Et la loi de Dieu, c'est la parole. Na sheria ya Mungu ni neno. Et cette parole s'applique même à l'église jusqu'à ce soir. Na hii neno inatumiwa hata kuikanisa imagharibi. C'est pour cela, pour être un enfant de Dieu. Na ile juu ya mtoto wa Mungu. Le Seigneur Jésus exige. Yesu Kristo analazimisha. Il faut naître de nouveau. Inapasha kuzalika mara ya pili. Et quand vous naissez de nouveau, na wakati unazalika mara ya pili, vous appartenez automatiquement. Unakuwa paka pale. La famille Mujama, du Père ya Baba. Et si Dieu nous donnera le temps na wakati Mungu atatukaburia wakati, vous allez voir que l'apôtre Paul dit aux Hébreux que nous les nations qui avons reçu la parole, qui sont menés par la parole de la vérité, nous sommes aussi appelés les premiers nés, les plus riens, et nous appartenons à l'église de premier-né. Et comme nous sommes nés, le premier, le prémisse de Dieu, nous avons l'héritage des droits de nez que Dieu nous a donné. Et cet héritage, c'est la parole. Et dans cette parole que Dieu nous a donnée, ce n'est pas le même jour que vous croyez, que le même jour que toute la parole de Dieu, toutes les promesses que Dieu a faites vont vous être accordées. Mais vous devez grandir et atteindre un certain âge après la bénédiction de cet héritage que vous avez va vous être accordé. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est très important pour toi et pour moi. Vous regardez ici maintenant Esaü, qui est appelé le premier-né, puisque dans toutes les tribus chez nous, quand il y a la naissance des jumeaux, c'est lui qui sort le premier. C'est celui le grand frère. Chez nous, au Congo central, on l'appelle Ntima. Et le dernier là, on l'appelle Njuzi. Ici, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais je pense que vous comprenez de quoi nous parlons. Et Esaü était ce qu'on appelle Ntima. Comme il était sorti le premier, le droit de naissance lui appartenait incontestablement. Et un ne savait que ce droit de naissance, un jour, ce droit de naissance allait lui donner beaucoup de bonheur. Mais avant le temps de lui léguer cet héritage arrive, il devait passer par certaines épreuves. Il possible de croyants. type de croyant de l'église. Picha ya muaminifu wa kanisa. Même avant que Job soit béni. Hata mbele ya Yobu kubarikiwa. Recevoir la bénédiction au double portion. Kupokea baraka mara mbili. Il devait passer certaines étapes de tribulation. Alipasha kupita mawakati ya mateso. Et chaque enfant de Dieu. Na kila mtoto wa Mungu. Avant que Dieu bénisse l'église. Mbele ya Mungu bariki kanisa. Il permet aussi que l'église. Anaruhusu tena kanisa. Passe par certaines complications. Ipite mumagumu ya mingi. Et quand vous passez par des difficultés, cela ne signifie pas que vous êtes maudit. Mais ce sont les étapes de la parole que la Bible appelle l'état de la formation. Pour voir comment vous allez agir pendant ce temps de la crise. C'est pendant le temps de la crise qu'on reconnaît véritablement le vrai croyant de l'incrédule. Et maintenant Esaü devait passer une petite prière, un petit test, comme cela même est écrit dans la pédagogie. Le test c'est un examen instrument par l'excellence, par laquelle on va découvrir la conscience intellectuelle de l'enfant. Sans le test, on ne saurait pas savoir. Si vous êtes croyant ou si vous ne l'êtes pas, dans le bon moment, nous tous nous sommes des bonnes personnes. Mais dans les difficultés, c'est là maintenant que la nature de chacun se manifeste. C'est pourquoi Dieu laisse les épreuves. C'est pour que ce qui est à vous puisse être exposé à l'ennemi. Sans l'épreuve, bipimo, tu ne seras pas être apprécié de Dieu. Aweze kukubaliwa na Mungu. Et tous les zéros de la foi, na, avant qu'on les appelle les zéros, mbele ya kuita ils zero, ont traversé les moments difficiles. Bari, mais comment ils sont appelés les zéros? Na, muna, kani, la façon dont ils ont gérer le temps de la crise, wakati ya magumu, c'est ce qui a fait de, ce qui a fait de grandes personnes. Et bien que vous nous sommes des enfants de Dieu, vive si cet été, les difficultés ne nous manqueront pas. Magumu haiweze kutukosa, mais c'est dans les difficultés ni wakati ya magumu, que nous allons découvrir mule qui est un enfant de Dieu, nani, qui n'est pas mtoto un enfant mungu, de Dieu, na nani, par mtoto ta façon d'agir. Mon amna yako ya kutenda. Esaü. Esaü. Son épreuve. Ma, c'était la famine. Il quoi ni nja. Frère Branham dit, chaque personne a sa faiblesse. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez savoir quelle est ta faiblesse pour savoir le bien la jeunesse, puisque c'est dans cette faiblesse que le diable viendra pour te ravir ta bénédiction. Soyez comme le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit sa faiblesse était la famine. Mais bien qu'il a fait 40 jours sans rien manger, mais lorsque la tentation vient le frapper, là où dans son point faible, mais il n'a pas vendu son droit de naissance. Il a gardé la parole. Il a gardé l'héritage. En répliquant, l'homme ne vivra pas de pain céleste, mais vivra de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et avant le retour de Christ, ce sont ceux qui vont savoir et gérer les droits des nerfs pendant les moments de tribulation. Ce sont ceux qui sont appelés pécheurs de cet âge. Et ce n'est pas étonnant même que les troupes des élus de l'épouse est appelé l'Apocalypse, troupe de vainqueurs. Et la Bible dit à celui qui vaincra, vaincre qui? Pas ton frère et ta soeur, mais comment tu vas vaincre les épreuves? C'est par la façon d'obéir à la parole de Dieu. Notre victoire dépend de la façon où nous allons respecter la parole de Dieu. Esaü, la famine. Njala. Quelqu'un qui est allé au champ. Comme dans la mini-zi. Sans rien creuser. Il rentre à la maison. Enfermé sans rien. Il trouve son petit en train de préparer. Et la nourriture là n'était pas une bonne quantité. Une petite quantité. Mais ça commence à lui s'y briller. Donne-moi. Ça ne peut pas suffire nous deux. Ça, je le fais pour sauver ma vie. Ici, c'est sauf qui peut. Chacun pour joie. Toi, tu étais allé dans ton travail. Moi, je fais aussi ce que je devais faire. Chacun doit se faire vivre tout seul. Mais Esaü n'écoutait pas toujours. Il a continué à déranger les petits. Ah, petit frère, donne-moi vraiment. Pour les petits, dis-moi d'accord. Faisons un marché. Comme je vois que ce qui t'intéresse, ta nourriture, moi je vais te donner toute cette nourriture. Mais toi, donne-moi ton droit d'aide. Et Jacob a dit, Esaü dit, est-ce que tu es sérieux? Et Jacob a dit, je suis sérieux. Tu ne vas rien goûter, je ne goûterai rien. Je vais te donner le tout. Mais toi, remettez-moi le droit des restes. Qu'on fasse maintenant les trocs. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cela aussi a une signification. Et ce droit de naissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce droit de naissance, c'est la parole. Ce droit de naissance, c'est le salut. Mais Jésus dit même que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il n'a pas écarté l'option que le pain ne donne pas la vie. Sans la nourriture, l'homme ne peut pas y vivre. Et la nourriture de Jacob, c'était pour lui donner la vie. On prépare, c'est pour manger, pour prolonger la vie. Si on ne mange pas, on meurt. Mais regardez ce que Jacob a fait. Il dit comme moi. Je sais ce qui signifie le droit de naître. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est ma nourriture. Moi, je te donne toute ma nourriture. C'est-à-dire toute ma vie. Moi, je te la cède. Je me sacrifie. Mais l'essentiel, c'est de prendre ton droit de naître. Écoutez Jacob, à quoi me servent ces droits des mains? Puisque si je ne mange pas, je risque de mourir. Jacob a dit, moi pas de problème. Moi-même si je meurs, mais moi je préfère mourir avec mon droit des mains. Frères, sœurs, pour gagner Jésus-Christ, vous devez donner ta vie en échange. Unapasha kutoa maisha yako mkubadilisha. Tu ne peux pas garder ta vie. Auweze kuchunga maisha yako. De cette chair. Ya hii mwili. Et avoir les salis. Na kupata wokovu. Tous ceux qui ont reçu les salis. Bote walipokea ka wokovu. Ils ont donné leur vie. Baritoaka maisha yako. Et notre vie. Na maisha yako. Ni picha ya mkate ya Yakobo. Ni picha ya ile chakula ya Yakobo. Haiweze kupata Yesu Kristu kama unapenda kuchunga maisha yako. Ile naweza kusema nini? Ule atatafuta ataipotesha. Lakini ule atakubali kutoa bushima yake juu yake, yeye anasema anapasha kumpata. Ataipata. Et ce qui nous fait aujourd'hui des complications, ile natuletea magumu leo, c'est la vie de cette chair. Ni bujima wa hii mwili. C'est pourquoi beaucoup, njoo kwa maana ba mingi, évite de recevoir la parole. Beko nakatala kupokea neno. Saole kijana tajiri. Ni nini limfanyaka katale uzaliwa kwanza? Aliona namna ya kupotesha mali yake yote kumupata Yesu Kristu. Kisha kuishi umagumu, ashikupasha kuivumilia. Angalia mnaanza kulala. Si vous êtes là, kama muko pale, à cause de ces droits de naissance, vitu vinapasha kuonekana. Et si vous ne connaissez pas sa valeur, na kama mjue bei yayo, sawa Esau, siku moja mtaishia kufanya makosa moya moya. Et maintenant, na sasa, si nous sommes ici, kama tuko hapa, c'est parce que nous avons fait l'échange. Ni juu tulifanya mabadilisho. Nous avons donné notre vie du péché. Tulitoa maisha yetu yote ya dhambi kwa Mungu. Pour que nous puissions prendre ce qui est précieux. Juu tupate kuchukua kenye kwa kiadamani. Puisque c'est par la révélation. Juu ni kupitia ufunuo. Que nous comprenons. Ile tuko naelewa. Kusema maisha yetu ya miaka 30, 50 na 100 estimé à la même valeur. Haiwezi kulinganishwa na bei moya moya na bujima yenye kwa ndani ya Mungu, yenye kuitwa bujima wa milele. Pour gagner la vie éternelle. Juu ya kupata bujima wa milele. Inapasha utoe maisha yako ya padunia. Si vous voulez garder la vie de ce monde, kama unapenda kuchunga maisha yako hapa dunia, ni kusema aujue bei ya kuzaliwa kwanza. Ndio kwa maana Mkristo bia kweli ni bali walitoa maisha yabo juu ya kumpata Yesu Kristo. Et nous nous avons cédé. Na shi tu to. Maheshima yetu yote. Ukavumu yetu yote. Tout ce que nous avons. Biote bile tuko nabio. Pour gagner Jésus Christ. Juu tumpate Yesu Kristo. Parce que nous savons. Juu tunajua bila wokovu iko ya bei sana kupita maisha yetu ya pai dunia. Et ça. Na ile, c'est ce qu'Israël n'a pas compris. Ni ile Israël ashikuelewaka. Et ça, na ii, c'est ce que Esau aussi n'a pas compris. Ni ile Esau naye ashikuelewaka. Kusema hata njala, lakini alikuwa anachukua kintu kile kilipasha kumletea makontener na kontener ya chakula. Hata vile leo alipasha kulala na njala, lakini ile alala kuzaliwa wa kwanza ilikuwa chemchemu ya bintu ile pasha kumpatia chakula mingi kupita ile chakula kiloko ya Yakobo. Na hii neno inachunga eri yetu. Hii neno iko na uwezo ya kutupatia uzima wa milele, matunzo mumili yetu, ukingo na ukingo ya milele. Mais à cause, lakini juu nous allons le montrer, vile tutayonesha juu ya tumafaida tuloko ya siku moya, tuko napotesha bahati ya kupokea uriti na batoto ya Mungu bebe kweli beko na ile ufunuo. Yakobo alikuwa na ile ufunuo, lakini yeye alikuwa na halali ya kuzaliwa kwa kwanza. Esau ashikwe na ufunuo, ile ndio picha ya Israeli. Israeli alikuwa na wokovu, alikuwa na mkombozi. Israeli alikuwa na Mungu, lakini Israeli ashikwa na ufunuo ya ule Mungu. Na leo hadisi inaendelea, tuko na mjumbe neno ya wakati, lakini ba mingi abana na ufunuo ya iu mjumbe ya uwezo. Ndio kwa maana tuko na cheza nayo. Mungu atufanishie neema. Na nungu nanasema kuko bengine manenda tambale beo nakatala Yesu Kristu amupatie tu wakati mbili ya kushikia neno. Bantu weo nakatala kuya kukanisa ni bantu abaya pata ufunuo ya kuzaliwa kwa kwanza. Nunu veno na legisi tukuna kuya kukanisa aina jua tuna na bia kufanya kusite, tuko na bia kufanya, lakini kupitia ufunuo tuko naelewa neno ya Mungu ile anatupatia na ile kutupatia. Hii makazi yetu kiloko ya $100,000 haiweze kamwe kutusaidia. Na bengine biko naonea hapa pa kusemea niko mgonjwa, niko na kazi, niko na mavazi, chakula, nilipata bageni. Eti kunaelewa bile. Biote bile kunafanya. juu ya kukabudia siku moe abiweze kufananishwa na eri ya milele ile uko na sula na njia ile kama unapokea ufunuo aweze ukimbia kanisa na misemeo kiloko utaacha biote juu ya kuya kuikanisa njo kama na bwana alisema na shafta kwanza ufalme wa mbingu na waki yake na bile bingine kisha meme si votre bokino vie ataka mama semeki yako anakuya mwenye kwa na bei kupita bakwe yako ni Yesu Kristo. Jésus Christ. Yesu Kristo. A plus de la valeur que ton travail. Eko na bei kupita kazi yako. Oh, vous ne pas perdre mon travail. Oh, juu nisipoteshe kazi yangu. Nipate kuchunga kazi yangu. Kuchunga kazi. Na kupotesha wokovu. Na kupotesha na kupata wokovu. Ni nini kenye kwa na bei kabisa? Le travail. Kazi. Ne t'achètera jamais le droit de l'air. Ayuta kujiaka kama zale kwa kwanza. Lakini zale kwanza. Itakupatia kazi ingine. C'est pour cela. Na ni juu ile. Juu ya kutoa maisha kwa Bwana. Aba pasha kukazisha. Ni juu ya una na ufunuo. Meme si moi. Hata kama mimi. Votre pasteur jeudi. Mchungaji anasema. Unaweza kupumzika leo, mimi naona sasa kuchoka. Utasema aksante. Lakini mimi shikuye pale juu ya buluma bwako. Mimi najua juu ya nini kuna kwa kanisa. Juu mimi najua kusema nitapokea. Bia mingi kupita hii magonjwa. Juu halali ya kuzaliwa kwa kwanza kwa matunzo ya afya yangu. Et vous restez à la maison. Na unabakia kumulango. Ni juu awelewe. Et tout cela, na ile yote, ce sont des signes négatifs na ni malaya qui montrent qu'avec cette attitude, kusema, vous êtes en train de céder ton droit de l'air. Kusema, uko na potesha alali ya kuzaliwa wa kwanza. Que Dieu nous fasse grâce Mungu et nous donne la révélation. Na atupatie ufunuo. Jubi ya sema. Kama Mungu asikuepusha Israel. Mukusula, mukuzisha kuzaliwa kwa kwanza juu ya bitu vya bure na wewe pia Mungu asiweze kukuepusha. C'est pourquoi ni juu ya ile. Vous voyez même nous les sommes de Dieu. Muko naona tashie. Nous sacrifions même notre temps. Tuko na toa tabu wakati yetu. Juu ya kuletea neno. Après t'avoir porté la parole. Kisha kuletea neno. Qu'est-ce que vous nous donnez qui est plus précieux que cette parole? Ni nini mnatupatiaka ya kupita hii neno? Si Dieu nous fasse grâce. Kama Mungu atufashie neema. Siku ya juma tutaonesha. Que la plus grande bénédiction. Kusema baraka mkubwa. Aina ile chakume yao kiloko na letao kanisa na mniache nimeoneshe bia kweli hata kama wewe peke unaweza kuyenga hii hekalu sawa mtu bila ufunuo utapandisha mabeka kusema ni mie kama ina mie kama ina mie nilifanya bia mingi mwile kanisa ni bingi bia kawapi wile ufanya bienye kulinganishwa na neno hii kanisa ilitupati ni nini kwa na bei sana neno au ile mwaya yako kidogo la parole que vous recevez neno ile mko napokea est plus cher iko na bei sana que vos petits billets que vous mettez dans les paniers kupita makuta yenu kidogo mko naweka mule mkichunga hata kama ulifanya zawadi ya nyumba ya gari par rapport kulinganisha na ile wewe ulifaidia ile haina na maana hata kitu. C'est pourquoi ndio kwa maana apôtre Paul a dit. Mtume Paulo anasema si nous avons semé kama tulipanda les biens spirituels bintu vya kiroho est-ce que c'est une grande chose eti ni mambo munene tupate kupata tule tumabintu tenu kiloko entre la parole katikati ya neno ile tu unamfundisha ile likupatia wokovu la chose la plus coûte kitu kia bei sana que aucun milliardaire ne peut acheter hata mtu hata moyo wa pesa siweze kuuza lakini wewe intermédiaire de nom lakini kupitia bantu ce que le monde n'arrive uripata kile bantu waweze kupata Wakati unauzia ule mtu chakula, unamuzia nyumba, eti ile ni mambo mnene. Mwenye kuwa na ufunuo. Na tuelewe. Na mina joseba mingi. Haba elewe. Na nijuya ile. Tuko na ubiri. Wakati unamiloma mali yenu. Juhu kuminyanyua nane ufunuo. Juhu mupate kuelewe. Kusema bile mbona faidia. Mukanisa. Muma ubiri. Abina na kintu. Kuhile ili mbona fanya mukanisa. Que Dieu nous donne la révélation. Mungu atupatie ufunuo. Et regardez maintenant. Sasa angalia. Ce qui était arrivé. Kile kilifika. Dans Genèse. Mwanzo. 27, 37. Mwanzo makumi tatu na saba. Ça c'est le frère de Joseph. Uyo ni ndugu yake na Yosefu. Il le vit de loin. Anamwona mbali. Et avant qu'il y fût près de, na mbele ya kufika karibu naye, il se complotait. Baka fanya mapatano. De le faire mourir. Na nduku akakufa. Et il se dit l'un à l'autre. Na wakasema moja na mwingine. Voici le faisait des songes qui arrive. Sasa angalia ule wa kufanya mambo. Venez maintenant. Kuya sasa. Tuons-le. Tumue. Jetons-le dans une calciteur. Tumutupe munjimu. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Tout à sema nyama wa makali alimkula. Et nous verrons na tutaona ce que deviendront ces songes. Na ile itakuwa sasa mandoto yake. Et au verset 28. Na makumi mbili na munane. Au passage des marchands. Mukupita bale bakuza. Mandianite. Bale ba mandianite. Il tireur. Baka mutosha. Et fit remonter Joseph. Na baka mpandisha Yosufu. Hors de la citerne. Mu ile jimu. Et il le vendit. Na baka muzisha. Pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Mu ile 20 cycles ya makuta kwa Ismaéliste. Bale warumpeleka ku Misri. De la même manière. Munamna moya moya. Joseph était le type de Jésus. Joseph alikuwa picha ya Kristo. Il était né parmi ses frères. Alizaliwa katikati ya banduku yake. Mais lui avait un don spécial que ses frères n'avaient pas. Lakini alikuwa na zawadi ya kipekee banduku yake bakwa nayo. Et ses frères voyaient bien que les frères avaient quelque chose. Na banduku yake banaona senduku yake na kitu. Mais la nature de ses frères. Lakini hali ya bale banduku yake. Incrédulité vis-à-vis des songes de Joseph. Ilikuwa ni kutokuamini kwa ile mandoto ya Yosefu. Vous voyez la façon de parler. Munaona kusema kwabo. Lorsqu'il a vu de loin. Wakati alimuona mbali. Ils se sont fait quoi? Barifanya nini? Barishikilizana. C'est la même chose. Ni namna moya moya. Ile Israel ilifanya. Wakati alimuona Yesu Kristo. Et qu'est-ce qu'ils ont appelé? Comment ils l'ont appelé? Ils ont dit, voici le faisait de sang. C'est une façon de se moquer de lui. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas. Ni kusema bakuanze kumuamini. Lakini aleterie ndani ili grese ili da contre Joseph. Bari kuya na muundia mambo ya kuua. Lakini ye muro yake ashikuwa na kitu kibaya yulu yabo. Ce qui arriva à Israël. Na ni ile rifikia kwa Israel. En réalité katika ukweli Joseph était comme la bénédiction était le droit de mer que Dieu avait donné à la maison d'Israël pour faire civiliser Israël. Joseph alikuwa sawa vile baraka Mungu alikabulia kunyumba Israel juu apate kuishi. Et c'est là et c'était fait. Na ile rifanika quand la famine était arrivée. Wakati njala ilifika qui devait leur faire civiliser. Nani alipasha kubaishi. C'était ce Joseph qu'ils les avaient mépris. Ilikuwa ni ule Yosefu bali zarawaka. Halali ya kuzaliwa kwa kwanza ni bujima yetu. C'est le sali. Ni wokovu. C'est la seule chose qui peut nous faire survivre. Ni kitu kimoja kinaweza kutufanyia tuishi. Pale asili haiwezi kufanya kitu. Et dans Matthieu. Na Mathayo. Chapitre 27. Sura makumi la saba. Verset 9. Musara kenda. Nous pouvons lire. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris 30 pièces d'argent. La valeur de ce qui a de celui qui a été estimé. Qu'on a estimé de qui? De la part des enfants d'Israël. Ya kutokea kwa watoto ya Israeli. Des enfants d'Israël. Watoto ya Israël. Quand ils ont vu Jésus, wakati walimwona Yesu, la bonne façon de se débarrasser de toi, namna ya kuachana naye, nous allons te vendre. Ni kukujisha. En réalité, tu ne vaux rien. Lakini hauna na bei. Avec 30 pièces d'argent. Ni kusema na 30 pièces ya mfeza. La valeur que nous pouvons te vendre. Inaenea tu na bei, tunaweza kukujisha. Et avec 30 pièces d'argent. Na ile 30 pièces ya feza. Barichukua. Na barisema mumubebe Yesu mwende naye mufanye kile kyote mtafanya naye. Et encore dans notre vie. Na maisha yetu. Si nous n'avons pas la révélation. Kama tuna na ufunuo. La chose que Esaü avait manqué. Ali ile chose que Israël avait manqué. Ile Israël alikosa. Ni kitu moya moya. Ile iko na tukosa tena mkanisa. La révélation. Ufunuo. C'est pourquoi nous sacrifions. Ndio kwa maana tuko natoa neno ya Mungu. À cause d'une petite bêtise. Tumabintu tubaya tuloko tuashipo kwa nabei kulinganisha nabei ya nafsi yako. Que Dieu te fasse grâce. Mungu atufanishie neema. Et te fasse comprendre. Na afanye upate kuelewa. Car nous ne pouvons que prêcher enseigner. Juste tupate kuhubiri. Lakini Mungu aku mbingu mwenye anaweza. Et quand vous recevez la révélation, vous comprendrez que toutes les opportunités que le diable peut vous offrir pour perdre le salut de ton âme, Dieu kupotesha ukovu wa nafsi yako. Hakuna kinaweza kulingana. Aucun avantage de ce monde. Hakuna ta faida mwa mudunia. Yenye takuya na bei ya nafsi yako. Tout ce que le diable peut te présenter. Yote shetani anaweza kupatia. Ni juu ya kukulanda. Lakini Mungu anapenda imani. Tushikue ba Esau. Ne soyons pas des Juifs. Tulikuwa Bayuda, tushikue Bayuda. Lakini tukue bibi wa Rusi. Les séries qui ont la révélation. Bateole benye kwa Mungu. Tukue ba Yakobo. Batu benye kuelewa bei. Ya kintu kile baripokea kwa Mungu kupitia neema. Et regarde. Na wangalie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ni nini ilifanya? Esau. Esau. Vende son droit de naissance. Auzisha lale akozaliwa kwanza. Première remarque. Kuangalia kwa kwanza. Que nous avons, je vais insister. Ile tunaweza kuweka mkazo. Ilikuwa ni tamaa. C'est ça. Ni ile. Il a regardé. Aliangalia. Que mon frère a quelque chose. Ndugu yangu eko na telefone. Android. Ya Android. Mimi niko na hii atuma 12. Lakini vile wewe una nayo. Uko na tamani kama mimi niko ile nduku. Kama niko ile nduku, kama niko mafashi yake. Ile aina ali mzuri ya Bakristo. Un chrétien Christu, se contente de la vie que Dieu lui a donnée. Anafurahiwaka na maisha ile Mungu anampatia. Et la vie que Dieu nous a donnée, c'est la vie. Na maisha ile Mungu alitupatia ni maisha ya milele. Nous ne devons rien changer notre vie éternelle. Atuweze kubadilisha bushimo wote wa milele. Na bitu bila tuko naona bila tuna nabio. Même si vous n'avez pas une joie, atakamona na kintu. Que tu vois c'est l'autre. Na unakiona kwa mtu hapana kukitamani. Furahiwa tu na neno ya Mungu. Que Dieu, sema Mungu, que tu crois. Ule unaamini. Anaitiwa ule anegalamu kujibu mahitaji yako. Na vie personne. Mtu na vie personne. Hapana kutamani mtu. Hapana kutamani kintu. Utembee tu kichwa bwima. Il n'est pas pauvre. Ah, on a mashikini. Et pauvre n'a pas le droit de naître. Mashikini ya shina na alali ya kuzalia wa kwanza. Lakini wakati tu. Le droit de naître. Kuya na alali ya kuzalia kwa kwanza. Inaweza kuruhusu wakati moya ya magumu ifike. Mais ça ne sera pas éternel. Lakini ile magumu itakuwa ya milele. Kuko wakati kuna kuya. Ile kanisa itapotea. Gardez l'évangile. Uchunge injili. Gardez la foi. Uchunge imani. Gardez le message. Uchunge ujumbe. Nous sommes vers la fin du temps. Tuko kumwisha wakati. Hapa sasa tutaenda. Na ile biota tutaenda kumbingu ni mjumbe. Inja hii message. Hakuna kunyakuliwa. Celui qui va aller au ciel. Ule anapenda kwenda kumbingu. Anapasha kuheshimia neno. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanishie neema. Éviter la convoitise. Et puka tama. Et la convoitise. Na tama. Produit beaucoup de branches dans nos vies. Inatoaka matawi mingi mu maisha yetu. Qui va nous conduire obligatoirement. Ile tatongoza kwa kukatukaza. Ya kupotesha alali ya kuzaliwa wa kwanza. Joshua chapitre 1, chapitre 7. Joshua 17. Verset 1. Joshua 17. Si vous lisez d'abord dans Josué, comme on a somme mon Josué, chapitre 6, sura sita, vous allez voir là-bas. Quand Israël devait capturer Jéricho, wakati Israël basha bamba Jéricho, Dieu donne la loi. Mungu akaleta sheria. Et c'est Dieu l'Éternel. Ah, c'est même vous voir Israël. Vous allez renverser Jéricho. Wakati mutabamba Jéricho. Ne prenez pas les biens de Jéricho. Musichukue mali ya Jéricho. Ne prenez même pas ce qui leur appartient. Apana kuchukua tabia ya babu yabo hata zabu hata kitu kyote kyote. Ce sont des choses maudites. Ni vitu vya kulaaniwa. Ni vitu vya wakati ni Mungu. Déjà maudit toutes ces choses. Nisha kulaani bile vitu vyote. Avez-vous écouté? Eti mnasikia? Sasa kanisa leo sema amen. La prédication a été bien passée. Mahubiri ilipita mzuri. Sans ambiguïté. Bila vya ku. Bila magumu. Mais arrivé maintenant les prêts. Lakini kufika sasa kubipimo. La Bible lui-même va nous donner les. Biblia yo yenyewe tatupatia. Les fils d'Israël. Batoto ya Israel. Promire une fidélité. Bakatenda kutokuamini. Vis-à-vis de qui? Kwa nani? Pas vis-à-vis de Josué. Mais vis-à-vis de Dieu. Lakini kumbele ya Mungu. Vis-à-vis de la parole. Kumbele ya neno. Ile Mungu alibonesha. Quand Dieu nous a dit quelque chose. Quand Mungu anatuambia kitu. Kama tukitii ni kutokuamini. C'est pour cela. Nani juu ile. Vous écoutez dans l'église. Kile Mungu anashikia mkanisa. Munapasa ukiheshimia. Ndio inaitwa kuya mwaminifu ya neno. Ni kusema mwaminifu. Ni ule mwenye kubakia imara. Mubile ari ichikia kupitia amina. Je saute. Mina luka. Mon temps coule vite. Wakati kunenda mbio. Je vois comme si je ne prêche. Mimi naona sasa shubiri. Verset 19. 19. Joshua dit à Akan. Joshua akamwambia Akan. Mon fils. Mtoto yangu. Donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Utukufu kwa Mungu wa Israel. Et rends hommage. Na ulete shukrani utuoneshe. Dis-moi. Unyambie. Kile ulifanya. Et ne me le cache pas. Na usinifichike. Akane reponi a Joshua. Kana kamujibu Joshua. Edi. Na kasema. Ni bia kweli. Je péché. Nikusema nitenda nzambi. Contre qui? Nilitendea nzambi. Eternel et Dieu d'Israël. Wa milele Mungu wa Israël. Lorsque vous ne faites pas ce que on vous dit ici. Wakati amfanye kile. Vous ne péchez pas contre non. Mais c'est contre Dieu. Lakini ni Mungu. Et vous allez porter la paix. Na utachukua azabu. Ya nzambi na kutokuamini kwako. Nous ne vous effrayons pas. Atukupatishe boka. Nous vous prévenons. Lakini tuko na ukalamusha. Vous ne pas tomber. Jua ushanguke. Mungu teko moya moya. Juu Biblia inasema kama Mungu asikuepushe Israel na wewe pia. Asiweze kama kuepusha. Alors si tu tombes dans la même. Sasa kama unaanguka mu mteko moya. Ni kusema utashinda. Ni juu ya kutokuamini kwako. Akana ju. Akana akasema. Voici ce que j'ai fait. Tazama bile nilifanya. Jefi. Miriam. Dans les bitains. Mali. Frère. Ndugu. Soyez souples. Ukuye mbio mbio. Na upandishe sauti. Il ne faut pas nous retenir, puisque moi aussi je me vois des fois. Nerveux quand je vais arriver à un certain niveau. Wakati unafika fasi moya sifike juu wakati. Binanipatia kako. C'est pourquoi des fois je dois accélérer pour essayer. Ndio maana mimi naenda mbio mbio juu. Je confie simplement au Seigneur. Tuko najitoa tu kwa Bwana. C'est pour cela rendez-nous un bon service. Ndio kwa maana mtutumikie kazi mzuri. Je recommence. Mimi naendelea. Il dit quoi? Alisema nini? Je vis dans les bitains un manteau. Un beau manteau de chinéa. Niliona mafulushi nkochi moya chinéa. 200 cycles d'argent. 200 cycles ya feza. 200 millions de dollars. Ah, 200 millions de dollars. Et un lingot d'or. Na lengo moya ya zahabu. Du poids de 50 kilos. Ya bujito ya 50 kilos. Je les ai convoités. Nili itamani. Et je les ai pris. Na nilichukua. Et ils sont cachés dans la terre. Iko enye kufichama mule. Mu ema yangu. Na feze ko pale yulu. Tu peux continuer la lecture. Unaweza kuendelea na kusoma. Je ne peux pas vous faire toute la lecture. Na siweze kumisomea biote wakati atupatie yako. Vous voyez? Unaona? La confession. Namna likiri. C'est qu'on appelle la confession, c'est la sincérité. Ile tuko naita kukiri ni uhaki. Ce que tu as fait. Sema kile ulifanya. Ne nous parlez pas en parabole. Hapana kutusemea katika mafumbo. Sawa bantu ba mingi leo. Anakuwa kutengeneza, anakuwa kukiri, lakini eko nasema sema mafumbo. Sasa ulitenda nzambi mafumbo. Utoneshe namna ulianza. Utoneshe namna ulianza na ulifanya na vile ulimaliza, njo namna ya kukiri. Hapana kusema mami semu yashio kushikilika. Hapana kusema mami semu yashio kushikilika. Oh, ninakwambia ashina vya kuelewa. Wewe useme kama riba, sema mi riba, ni riba makuta ya nduku fulani mwakati fulani, ilikuwa ni fashi fulani. Bitu biko wazi. Kama uko bikira, utoneshe. Umwambie bwana yako. Kama uko bikira. Inyapa de la honte. Hakuna haja. Juu wakati uko na tenda butumbundumba yako. Ulianza kujua bila ulianza kufanya. Je sais pas si j'allais arriver là. Ni sijue kama mitafika kule. Ta convoitise. Tamaa yako. Ne nous conduis pas simplement être des voleurs. Haikutume pa kuiba. Lakini tamane kuna tuelewa kubusharati. Bine batu unatenda leo. Nine wapeleka mundumba ni tamaa. Ni vya kweli. Mule niko Mwanzo sura sita. Musari ya kwanza. Na musari ya pili. Mwisome. Merci frère. Merci. Nous sommes dans verset 1 à verset 2. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Nous lorsque les enfants de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nini barifanya? Est-ce qu'ils sont allés les doter ou les épouser? Eti barienda kubatoshia Maria au kubao? Apana. J'ai des citations de Frère Branham. Niko na misemea nduku Branham. Mumaubiri alama mwekunda ya kuya kwake. Il parle la partie de paragraphe 50. Anasema kuanzia mstari wa 10. Anasema apana. La Bible dit. Biblia nasema. Il s'emplit pour faire. Bari beba tu sawa babibi. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Il ne les ont pas pris pour abachukua sawa babibi ya ndoa, lakini bado achukua sawa babala yabo, sawa babala yabo. Ndubrana sema sete ilikuwa le concubina, ilikuwa ni babala dita de Noa, mwakati ya Noa na notre temps, wakati yetu ni babala. Na ni nani walikuwa wanafanya ule babala? C'est là maintenant le point culminant. Ni parle face à ça. Ce n'était pas des païens. Abakwe ba pagano. Puisque le pécheur ne pêche pas quand il fait le péché. Djumu tenda nzambi asitendake nzambi wakati anatenda nzambi. Mais qui commettait les concubinages? Ni banani walikuwa wanafanya vile kwa bala. Ni batoto ya sete. Les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Ils ont pris le sang saint de Dieu. Bari beba damu takatifu ya Mungu. Avec le sang des fils et des filles du Seigneur. Na bari changa na batoto na babinti ya wanyoka. Qu'est-ce qui les a menés? Nini bapeleka? C'est selon la loi de Dieu. Le sang de Dieu. Damu ya ne Mungu. Ne peut pas se mélanger. Aiweze kuchangana. Na jamu, damu ya nyoka. Tama. Et aujourd'hui. Na leo. Kanisa iko na bujito. Ya buabala. Katika ujumbe. Buabala. La monnaie courante. Inakuya sasa maisha ya bantu. Nos filles même qui sont nées dans ce message. Ba binti yetu hata benekuwa muhimu ujumbe. Vous qui me regardez là. Mwe bale mko na nyangalia pale. Vous avez été consacré à l'hôtel. Ba mitoa hapa kwa madhabahu. Lakini hauna bikira. Bubikira bwako bulienda wapi? Dans les concubinages. Mu buabala. Comment est-il allé commettre des bêtises et des païens? Namna gani ulienda kufanya ni tamaa? Et où est la virginité? Na bubikira buko wapi? C'est une honte. Ni haya. C'est une honte. Ni haya. C'est une honte. Ni haya. Et honte à toi si tu es déjà déshonoré. Haya kwako kama barisha kukupotesha ubikira. L'apôtre Paul ordonnait que les mariages soient honorés. Ndugu Paul anasema ndio heshimiwe. Tuko mwa Hebrewia 13 mstari wa 4. Tu avec des voix. Sasa we na voix. Bantu mingi wanabaita hapa basha kuvala muziki. Sasa tunakuya kufanya nini? Oh honore le mari. Oh kuheshimia ndoa. Uwe honore honore kwa sababu heshima iko wapi? Wewe peke ulisha kujishusha heshima. Sasa heshima gani tutakabudia mtu acha kujishusha heshima yeye peke? Ulipasha kuchunga heshima yako. Na heshima ya mwanamke ni bubikira yake. Sasa bado uko unafanya bundumba. Njo ile heshima kwa mtu mpagano. Yule alikuwa analokota maisha yako. C'est une honte. Ni haya. Yini se. Dada. Ki a crié message. Ule aliamini mjumbe. Bikira. Bikira. Kisha unaenda. Kwa ndugu moyo. Anakutosha bikira. Na baba anachoka. Anatiele kata mali ya mingi. Mali gani? Ni ndumba. Anisraeli. Uisraeli. Mtoto wa Mungu. Munyumba wazazi yake. Bana mugunda bikira. Ashikwe na fashi. Ni ndumba. Baripasa kukuwa na maibwe. Baripasa kutosha mujama. Uko mfano mubaya kwetu. Munirusu ni mioneshe. Jumi napenda kumaliza. Lakini hukumu. Aipashe kwenda pamoja na mie. Inapasha kuya yule ya kichwa kia damu yako. Juu ya kufanya kule kichafu na kichafu. Juu ya kutokuamini. Auamini. Kizazi kiashipo kuamini. Nous avons des rangs honorables dans l'église. Tuko na hali ya heshima mkanisa. Ce sont les femmes mariées. Ni banamuke bandoa. Ndugu banana sema. Hii ni femme qui est mariée vierge. Mwanamuke yule banamuoa bikira. Merci, elle a fait les enfants. Ataka marifu ya batoto. Aux yeux de Dieu, elle est toujours considérée comme vierge. Kumacho ya Mungu beko na muona paka saa bikira. Et dans mariage et divorce. Na mundoa na kunda ndoa. Il est le jour de ton mariage. Ansa shiku ya ndoa yako. La bénédiction la plus grande. Baraka mkubwa. Ile utapeleka kwa bwana yako. Aina mabuke de fleur. Aina manyumba. Aina majipe. Lakini ubikira yako. Et dans mariage et divorce. Na mundoa na kuvunja ndoa ndoa anasema nduku. Kuzini femme vierge. Ule anaoa bibi. Anasema ni baraka kwa ule nduku. Baraka aina ile makado. Baraka ni ile ubikira ya ule mwanamke. Ni alama ya kusema alikuwa Mkristo. Alikuwa mwaminifu. Aliheshimia neno. Na alikuheshimia wewe. Biblia inasema muheshimie mwanamke ba ile namna. Na ndugu bwana anasema bwana yako atabakia kukushukuru hata kama kilari kinakuya, hata kama nywele inamalizika. Kama ni mwaminifu atakuheshimia paka siku utakufuaka. Hapana aba bajambazi baleo. Ulichukua dada bikira. Sasa vile unaona inapotesha afya. Dada anakuya unaanza ko kutembea na bandumba kule nje. Mupagano. Kizazi kia kutokuamini. Na unionyeshe ni acha ni kuko wazaliwa kwanza. Wakati mimi sema mushi jilande basharati abawezi kuriti ufalme wa Mungu. Tubu. Ni wakati ya mapatanisho. Et les rats honorables dans l'église. Na ali ya heshima mkanisa. Les vierges. Babikira. Les mariés. Benye kwa mundoa. Ou les veuves qui ont été mariés vierges. Ao bayane bali bali wawaka babikira. Si je disais ce soir. Kama mina sema yu angaribi. Que les mariés lèvent les mains. Kusema benye kwa mundoa baweke mkono yulu. Les mariés vont mettre les mains. Benye kwa mundoa bataweka mkono yulu. Les vierges. Babikira. Quand tu vas être moi je suis. Na boba tasema beko babikira. Ok, les veuves. Ba wajane. Alors l'autre groupe. Sasa kunji ingine. Pourquoi les bras sont baissés? Dieu a nini mikono ya shuka. Dans quelle catégorie? Muko mukikun kipande kani? Ni haya. Ça montre que tu n'es pas sérieux. Inaonesha kusema aona wa kushinyoroka. Naona? Tu n'es pas sérieux. Auna mtu wa kuheshimia bibi. Juu ya kutufunika, unaweza kuweka mkono. Juu ya kuonesha kusema uko bikiri. Lakini aweze kulanda dhamiri yako na Mungu aweze kumlanda. Ça, c'est l'état de pleurer tes péchés. Hii ni wakati ya kulia dhambi yako. Et je vais encore plus loin. Na mimi taenda mbali. Ndugu anasema kama unaenda kundoa bila kukiri bubumbafu ule ulifanya juu ya kupotesha ubikira yako, ile ndoa haina yako. Malgré les pasteurs aujourd'hui, hata banaweza kutunga kumacho ya Yesu Kristo mwanawe ndoa civil. Anasema mimi na miunga mna kumbingu Mungu ashukuriwe kusema unaolewa. Puisque c'est un vœu qui a été passé sur les maçons. Ile iliwekewa pabongo ulilanda au kusemaka kweli. Toutes les exercices de pratique que tu peux faire. Vyote bila unaweza kufanya jua kulanda bwana yako sawa uko bikira. Mwili unaweza kwenda mu operation memuro. Aweze kupasula roho yako. Unajua tu kusema uko mtu wa kuyua sana mwili haya yako. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanye neema. Na nini atuletea mchafu wote? Tamaa. Moi je n'arrive pas si mais si vous êtes vulnérable. Nini na weze kuvumilia? Comment tu as fait pour exciter les gardes sexuels? Namna kani uri. Mukuangalia mafilme ya ba. Tu n'es pas marié. Auna ndoa. Tu vas finir comment? Sasa wakati kani utashia wapi? À la masturbation. Mukuanza kufanya vitu vya bumbafu. Tout cela se fait dans l'église. Na bila utafanyika mu kanisa katikati ya bandugu na badada wa mjumbe. Vous avez les droits des mères. Kesha mnasema tuko na lela kuzalanga Mungu na tunesi Kristo ya kwenda kumbingu. Mbingu kanile mtaenda. Je te l'ai dit à haute voix. Niko naisema na nguvu kabisa. Usha kupotesha alali yako zalewa kwanza. Voilà le retermine. Sasa wakati inamalizika. Akan. Qu'est-ce que tu as? Ulifanya nini? Nilitamani feza ya mtu fulani. Njoo ile. Kwa le professeur. Njoo kwa maana ba professeur. Chef de votre avocat. Bakuwa makazi yenu. Chef des entreprises. Bakuwa makampuni yenu. Beko natembea na mwejo kupata makazi. Jua nini? Jua una bwana wako. Tama. Et la chose encore plus grave. Na kitu kingine hatari. Mwanamke wa ndoa. Anajua kusema. Mtu amuguse fashi yake haya bumwili. Kisha ni dada wa mjume. Dada kani? Hii ni prostitute nilali. Ndumba wa mbalabala. Frère Branham dit fait. Ndugu Branham anasema mfukebe ange. Sexualité. Bumwili. Inaweza kufanika hata kumisemo bila hata kutendo. Mtu anasema sheri uko mzuri. Na wewe uko nacheka unashikia fura. Uko nasema ile masemo ya mapendo na ule mtu ashina bwana yako. Muko nafanya deja busharati. Jani ni muko bazaifu mwile nangu. Wakati nakwambia sema uko mzuri na wewe unajifanya kwa mzuri. Mimi nasema mimi najua niko mzuri. Eti ile ndio mambo. Mimi sijui ni kuzaifu bwana mtakatifu. Muchunge bikira yenu. Juu bikira naombanishwa kwa mjumbe wa wakati. Jesus ne viendra pas prendre une église déshonorée. Yesu asiweze kubeba kanisa yenye kuya na haya. L'épouse de Christ. Bibi arusha Kristo. Tuko ba bikira. Par la foi véritable. Kupitia imani ya bia kweli. Tuko na hubiri neno ya kweli. Mafundisho ya bia kweli. Bila kuitikia matafsiri ya ba kujifunza Mungu na wewe. Garde toi pur. Ujichunge safi. Kufika siku yako ya ndoa na kufuatana sheria ya Mungu. Ule ile vitu sheria ya Mungu inasema hivi Israeli. Abawezi kuotesha mshamba moya mbegu mbili. Mshamba moya mbegu paka moya. Na mwanamke ni shamba ya bwana yake. Hapana mbegu mbili. Mpaka mbegu ya ule. Ule atakuyaka. Hapana kukulokota. Hapana. Ule atakuyaka kukuowa. Ni yeye. Eko na ruhusa ya kuotesha ndani yako. Na weye. Ndugu anasema. Uko na lokota mwanamke. Hapa sasa. Na dada. Unakuwa mjumbe. Bila kuoa. Unasikia neno. Lakini uko naendelea kuzaa watoto. Uko nachunga nini? Juu ya kwenda kulipa mali. Au juu ya kusema uko naishi katika bundumba. Est-ce que Dieu change t il sa pensée au sujet de sa parole? Eti Mungu anabadilisha kwa mawazo yake kuneno yake? Le message d'Eli. Mujumbe ya Elia ilikuwa ni mujumbe ya kudulisha bintu. Kurudia kuahali ya Biblia. Na wewe mjumbe ni kuweka maisha yako sawa. Jua nini kunaendelea kutembea na mwanamke ule akutoa mali? Waanze mbele kutengeneza bintu. Je ne vous dis pas d'aller l'utiliser. Mais si c'est wendo kamfukushe. Abraham dit vous avez fait dans l'ignorance. Jundu kuna anasema ulibifanya pakusa kujua. Lakini lakini mfundishe bengine basi kufuate. Jua ona mfano mzuri. Hata kama ulifanya neema lakini tengeneza maisha yako. Na wewe pekee utakuwa bwana. Uko nachunga nini juu ya kwenda kulomba? Kulomba facture. Le retermine. Wakati na malizika. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.